Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle très poétique, écrite par Kenji Miyazawa, qui est donc un poète, romancier et auteur de contes et nouvelles japonais. Il est né en 1896, il est mort en 1933. Il fut également connu pour ses ferveurs bouddhiques et son militantisme social. Il fait des études d'agronomie, il étudie également l'espéranto. Donc la nouvelle d'aujourd'hui, le 4 du mois des Narcisses, est parue aux éditions Oulala, Le Serpent à Plumes en 1991. Voilà, voilà. Je commence. La vieille des neiges était partie très loin. Elle était partie très loin, au-delà des nuages étincelants et déchiquetés qui recouvraient les montagnes du couchant. La vieille femme aux oreilles semblables à celles d'un chat, aux cheveux de cendre ternes. Emmitouflé dans une couverture rouge, un enfant solitaire, des envies de caramel plein la tête, pressait le pas autant qu'il le pouvait au pied d'une colline enneigée en forme de gigantesque tête d'éléphant. Il n'avait qu'une hâte, regagner la maison. « Bon, je ferai un cornet avec du papier journal et je soufflerai si fort dessus que le charbon de bois brûlera en flammes claires. J'ajouterai alors une pincée de sucre de cristal, un peu d'eau et le sirop cuira en bouillotant à feu doux. » De toute sa vigueur, l'enfant ne songeait qu'à ses caramels tandis qu'il se pressait de rentrer à la maison. Loin, très loin, en des régions transparentes et glacées, le soleil s'activait à faire brûler ses feux d'un blanc éblouissant. Cette lumière explosait droit à tous les horizons, et une fois le sol atteint, elle métamorphosait la neige des hautes terres silencieuses en une plaque éclatante d'albâtre. Deux loups des neiges, leur langue rouge pendante, marchaient en haut de la colline à tête d'éléphant. Ces créatures sont invisibles aux humains, mais qu'une rafale de vent les entraîne follement, et les voilà qui jaillissent au bord d'un haut plateau pour s'élancer directement dans le ciel et galoper en tous sens sur les nuages tourbillonnants de neige. « Aux pieds, je vous ai déjà dit de ne pas aller si loin !» Derrière les loups, c'était l'enfant de neige qui avançait lentement, son tricorne en fourrure d'ours blanc descendu sur la nuque, le visage brillant comme une pomme. Les loups des neiges secouèrent leur tête, firent demi-tour et revinrent au galop, montrant à nouveau leurs langues écarlates. « Cassiopée, les narcisses vont bientôt fleurir, que ton moulin de verre vire et virevolte !» lança l'enfant de la neige à l'étoile invisible, la tête renversée pour mieux contempler le bleu pur du ciel. L'azur lumineux jaillit alors en vagues régulières du fond du firmament, alors que les loups des neiges étaient déjà très loin, exhibant leur langue rouge comme des flammes. « Allons, revenez ici !» gronda l'enfant en trépignant, et son ombre qui jusqu'alors se détachait clairement sur les nuages se changea en une scintillante lumière blanche. Les loups, leurs oreilles dressées, revinrent au galop, alignés sur une seule file. Andromède, les fleurs qui portent ton nom bientôt fleuriront, qu'un souffle anime et vaporise l'alcool de ta lampe. L'enfant de la neige, aussi léger que le vent, grimpa sur la colline en forme d'éléphant. Dans la neige, le vent avait sculpté des figures qui ressemblaient à des coquillages. Au sommet de la colline se dressait un grand châtaignier qui abritait un bouquet de gui aux jolies baies rondes et mordorées. « Cueillez-en pour moi !» ordonna l'enfant en poursuivant son escalade. Un des loups, dès qu'il aperçut en un éclair briller les petites dents de son maître, bondit jusqu'à l'arbre comme une balle de caoutchouc. Sa mâchoire claqua lorsqu'il saisit dans sa gueule une petite branche qui portait de ses fruits vermeils. Au-dessus de l'arbre, l'ombre du loup, agitant avec violence la tête, se détachait immense et longue sur la neige de la colline. L'écorce verte de la branche et son cœur jaune furent enfin déchiquetés au moment précis où l'enfant atteignait le sommet. Le rameau tomba à ses pieds. « Merci !» En le ramassant, il contempla la belle ville qui se levait au loin, au milieu des prés blancs et indigos. La rivière scintillait, une fumée blanche montait de la gare. Il abaissa son regard au pied de la colline. Là, sur un étroit chemin neigeux, l'enfant à la couverture rouge se pressait résolument pour rentrer chez lui dans la montagne. « Oh, c'est ce petit qui poussait le traîneau de charbon hier. Il a acheté du sucre et à présent il rentre tout seul. » En riant, l'enfant de la neige lança le rameau de gui en direction du garçon. La branchette vola droit comme un obus et retomba juste devant lui. Surpris, il la ramassa tout en jetant des coups d'œil curieux de tous côtés. L'enfant de la neige rit et fit claquer un coup cinglant son fouet de cuir. Alors, du ciel sans nuages, d'un bleu intense, pour ainsi dire poli, de la neige semblable à des plumes d'aigrette, commença de tomber partout à la fois. Sur la neige de la plaine en contrebas, dans la lumière de bière du soleil, et les cyprès brunis, l'averse emplit ce pur et calme dimanche d'une beauté inégalée. L'enfant, sa branche de gui à la main, se remit à marcher du mieux qu'il pouvait. Cependant, après que cette neige splendide eut cessé de tomber, le soleil parut se retirer aux confins du ciel comme s'il allait réactiver l'éblouissante blancheur de son feu. Un vent léger souffla alors du nord-ouest. À présent, le ciel était devenu froid. Là-bas, loin vers l'est, en direction de la mer, on entendit un petit grincement comme si un mécanisme céleste s'était détraqué et, devant le soleil, transformé en un rien de temps en miroir immaculé, des formes légères passèrent rapidement. L'enfant de la neige mit son fouet sous le bras, croisa fermement les bras et les lèvres serrées fixa la direction d'où soufflait le vent. Les loups des neiges, à leur tour, allongèrent le cou vers l'avant et se campèrent en position d'attente. Le vent se fit de plus en plus violent. Il entraînait la neige à leurs pieds en un flot bruissant qui s'écoulait vers l'arrière. Bientôt, au sommet des montagnes, dans le lointain, une sorte de fumée blanchâtre s'éleva. Le couchant prit des teintes grises et s'obscurcit très vite. Les yeux de l'enfant lancèrent des flammes. Le ciel devint totalement blanc. Le vent parut lacérer toute chose sur son passage. Très vite, de la neige tomba sèche et fine. Le paysage environnant s'emplit de cette neige qu'on aurait dit cendrée. Était-ce de la neige ou des nuages? On ne le savait trop. Toutes en même temps, les crêtes des collines se mirent à gémir ou à grincer. L'horizon, la ville au loin disparurent noyés dans un brouillard sombre. Et seule, l'ombre blanche de l'enfant de la neige émergeait indistinctement. Dans les hurlements déchirants du vent, on put discerner une autre voix, terrifiante. « Pourquoi traînez-vous ainsi ? Allez, déversez-vous ! Plus fort, tombez dru ! Ouh, ouh, ouh, ouh ! Ne lambinez pas, soufflez, lâchez tout ! Nous avons pourtant bien de la besogne ! Ouh, ouh ! D'ailleurs, j'en ai emmené trois de là-bas. Allez, soufflez, tombez. Ouh, ouh. L'enfant de la neige bondit comme s'il avait reçu une décharge électrique. C'était la vieille des neiges qui arrivait. Clac ! L'enfant fit cingler son fouet. Ses loups s'élancèrent d'un même mouvement. Le visage de l'enfant pâlit, ses lèvres se pincèrent, son chapeau s'envola. Ouh, ouh, allez-y plus fort. Mieux que cela, paresseux. Ouh, ouh, ne traînez pas. Aujourd'hui, par ici, nous sommes le 4e jour du mois des Narcisses. Ouh, ouh, ne traînez pas. Aujourd'hui, par ici, nous sommes le 4e jour du mois des Narcisses. Alors, mettez-y du cœur. Ouh, ouh. La vieille tourbillonnait en mêlant sa tignasse blanche et froide autour du vent et de la neige. Au milieu des nuages noirs qui filaient à tire-d'aile, on pouvait apercevoir ses oreilles effilées et ses yeux jaunes qui luisaient. Les trois garçons de la neige qu'elle avait emmenés depuis les plaines de l'ouest, le visage exsangue, les lèvres étroitement serrées, trop occupés pour saluer quiconque, couraient sans cesse de tous côtés en faisant claquer leurs fouets. Très vite, on ne sut plus différencier les collines de la neige tourbillonnante ou du ciel. On entendait uniquement la voix vociférante de la vieille à tous les horizons. Les claquements secs des fouets, la respiration des 9 loups galopant dans la neige fraîche. Parmi ce vacarme assourdissant, l'enfant de la neige perçut soudain, porté par le vent, les pleurs du petit garçon. Une lueur étrange s'alluma dans ses prunelles. Il resta immobile un moment en réfléchissant. Puis, brusquement, il donna un coup de fouet violent et courut par là-bas. Mais ce n'était pas la bonne direction, semble-t-il, car à l'extrême sud, il se heurta à une colline plantée de pins noirs. Son fouet sous le bras, il tendit l'oreille. « Ouh, ouh, ouh ! Je ne tolérerai pas les paresseux ! Soufflez, soufflez ! Ouh, ouh ! Aujourd'hui, c'est le 4 du mois des Narcisses. Ouh, ouh, ouh, ouh. » Parmi les cris rageurs du vent et de la neige, en un éclair, l'enfant parvint à entendre à nouveau la voix fine gonflée de pleurs. L'enfant de la neige courut droit dans cette direction. Les cheveux défaits de la vieille le frôlèrent horriblement au visage. Dans la neige du col, le petit garçon s'était enveloppé dans sa couverture rouge pour se protéger du vent. Chancelant, il était tombé à moitié et ne parvenait pas à dégager ses pieds. Il pleurait. Mais, prenant appui sur les mains, il tentait pourtant de se relever. « Emmitoufle-toi dans la couverture et allonge-toi » lui cria l'enfant de la neige au passage. Mais le petit garçon n'entendait rien d'autre que les voix du vent. À ses yeux, nulle forme n'était visible. « Laisse-toi tomber et baisse la tête. Ouh, il ne faut pas bouger. Ce sera bientôt fini. Enveloppe-toi bien dans la couverture et couche-toi » lui cria à nouveau l'enfant en repassant près de lui. Cependant, le petit garçon essayait encore de se redresser. « Laisse-toi tomber. Ouh, ouh, reste tranquille et allonge-toi. Aujourd'hui, ne fais pas tellement froid, tu ne gèleras pas !» cria pour la troisième fois l'enfant de la neige. Le petit garçon, en pleurs, la bouche crispée, s'efforçait toujours de se relever. « Reste couché, pas comme ça !» Délibérément, l'enfant le heurta très fort par derrière pour le faire tomber. « Ouh, ne traînez pas ainsi, bande de paresseux ! Ouh, ouh !» La vieille était de retour. On put discerner la déchirure violette de sa bouche et vaguement ses dents aiguisées. « Oh, il y a un drôle d'enfant ici, très bien. Emmenez-le par là et c'en sera fini de lui. Le 4 du mois des Narcisses, c'est bien d'en attraper encore un ou deux. »« Oui, quelle chance, je m'en charge !» répondit l'enfant de la neige et il bouscula durement le garçon tout en lui murmurant « Reste couché, tu ne dois pas bouger, je te dis de ne pas bouger !» Les loups des neiges menaient un galop enragé dans toutes les directions, leurs pattes noires émergeant de ci, de là parmi les nuages neigeux. « Bravo, bien joué, soufflez encore, tombez de rue, pas de trêve. Ouh, la vieille revenait à la charge. » Le petit garçon tenta de nouveau de se relever. En riant, l'enfant de la neige le cogna très fort une fois de plus. À présent, tout était sombre et embrumé, et bien qu'il ne fût pas encore 3 heures, on pouvait croire que le soleil était déjà couché. Le petit était à bout de force, il n'essayait plus de se redresser. L'enfant de la neige allongea la main en riant et le couvrit soigneusement de sa couverture rouge. « C'est bien comme ça, et maintenant dors, je vais te recouvrir d'édredons douillets. » Ainsi tu ne gèleras pas. Rêve de caramel jusqu'à demain matin. » L'enfant de la neige courut maintes et maintes fois au même endroit pour déposer le plus de neige possible sur le petit. Bientôt on ne vit plus la couverture rouge. Peu à peu, la neige s'amoncela autour de lui à hauteur égale. Ce petit a gardé la branche de gui que je lui avais lancée, murmura l'enfant de la neige qui parut un instant sur le point de pleurer. Allez, du nerf, pas question de repos avant 2 heures du matin. Nous sommes le 4 du mois des Narcisses. Aussi, pas de trêve. Soufflez, soufflez, tombez, tombez de rue. Ouh, ouh, ouh, ouh. La vieille hurlait encore dans les vents du lointain. Et le soleil finit par se coucher vraiment au milieu du vent, de la neige, des nuages hirsutes et cendrés. La nuit entière, sans répit, la neige ne cessa de tomber. Enfin, alors que l'aube approchait, la vieille réapparut dans un dernier galop qui lui fit parcourir d'une traite le pays entier, du sud au nord. « Vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Demain, « je cours vers la mer, mais je n'ai pas besoin de vous. Repaisez-vous tranquillement, soyez prêts pour la prochaine fois. »« Ah, que c'est agréable aujourd'hui, nous l'avons bien réussi, ce 4e jour du mois des Narcisses. » Ses yeux eurent un singulier reflet bleu dans les ténèbres et elle s'enfuit vers l'est, la bouche tordue en rictus, sa chevelure sèche et en mêlée tourbillonnante à sa suite. Alors, les champs et les collines parurent soulagés. La neige prit des teintes lumineuses et bleutées. Le ciel aussi s'était entièrement éclairci, on ne sait quand, dans la voûte céleste couleur de renoncule. Toutes les constellations se remirent à scintiller en même temps. Les garçons de la neige rassemblèrent leur attelage de loups et échangèrent des salutations. C'était vraiment terrible, non? Oh oui! Quand nous reverrons-nous? Quand donc, cette année? Peut-être deux fois? J'espère que nous reviendrons vite ensemble vers le nord. Oui, à tout à l'heure. Un enfant est mort. Non, tout va bien, il dort. Demain, je ferai un signe près de lui. Ah, pour moi, rien ne presse. C'est bien Cassiopée, ces trois étoiles là-haut. Je crois bien qu'elles brûlent toutes trois en flammes bleues. Mais alors, pourquoi, si ces feux flambent si bien, nous donnent-ils de la neige? C'est la même chose que la barbe à papa. Tu sais bien, quand l'appareil électrique tourbillonne, il entraîne dans son mouvement le sucre cristallisé qui se transforme en filaments ouatés, neigeux. Voilà pourquoi, à beau feu, belle neige. Ah! Eh bien, au revoir! Au revoir! Les trois garçons de la neige, accompagnés de leurs 9 loups, repartirent vers l'ouest. Le ciel au levant se mit bientôt à briller comme une rose jaune, puis à miroiter en teintes ambrées, enfin à s'embraser de vermeil. Sur les collines, dans la plaine, partout, la jeune neige étincelait. Épuisés, les loups des neiges s'étaient assis. L'enfant de la neige, assis également, riait. Ses joues étaient comme des pommes. Son souffle exhalait la fragrance des lys. Le soleil montait, resplendissant à l'horizon. Ce matin-là, tout bleu, était particulièrement beau. La lumière du soleil coulait sur toute chose, couleur de pêche. Les loups se dressèrent sur leurs pattes et bâillèrent largement. Dans leur gueule, des flammes bleues lançaient des étincelles. « Venez maintenant, suivez-moi. L'aube est là, il nous faut réveiller l'enfant. » Les loups se ruèrent jusqu'au monticule dans lequel était enfoui le petit garçon. « Dégagez la neige autour !» Avec leurs pattes arrière, les loups se mirent à creuser la neige, qui s'éleva comme un nuage de fumée dans le vent. Depuis le village, un homme en vêtements de fourrure, chaussé de raquettes, se hâtait. « Ça suffit !» cria l'enfant en dégageant de la neige un coin de la couverture rouge. « Ton père arrive. Ouvre les yeux à présent. » L'enfant regagna le sommet de la colline dans un nuage de neige. Le petit parut bouger imperceptiblement. L'homme en vêtements de fourrure courait de tout son cœur. Eh bien, voilà, voilà. L'histoire de la tempête de neige du printemps. Bien, on n'a toujours pas entendu le coucou dans nos Hautes-Vosges. J'espère que ces loups et ces vieilles de la neige ne viendront pas nous voir. Allez, à tout bientôt sur Radio Guémozo.